connais des acronymes ? Tu sais, quand des initiales désignent un truc, par exemple FBI ou alors TVA, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. J'ai un acronyme personnel. Tu veux que je te le dise ? B-A-D. B-A-D. BAD. Burn, attitude et décision. Tu devrais t'en choisir un, toi aussi. Ça t'aidera à visualiser tes buts. Ça pourrait être FAD. Flingué au berceau. Non, pour négatif. De la tête au zénith, garde à vos Bataclan. J'monte capuché sur scène, moi. J'explique la bac à temps, baby. 9-3, c'est Baltimore. Histoire de crack, tu meurs. Baby, baby, no more. Manche au star qui se prend, les rap à main morte. J'toise le boss que j'vois dans mon miroir. J'ai un problème d'ego. Quand tu te confies à un trait, t'entends souvent des échos. Le racisme fait pas de chasse-neige sur les pistes noires. Les petits des quartiers chuchotent que le 9-3, c'est moi. Calibre à la main, j'dois refuser de faire pitié. Cloué à la street, comme ça au moins je l'ai fixé. En cas de défaite, on se venge, on prend des armes, on plonge, on prend des risques, on tombe. Un gros coup, puis on se range comme nos anciens avant. L'ennemi est venu en nombre, j'ai plus choix, faut que j'en finisse. Sont calibrés, nous aussi, pas ni problème, Vinny. Si tu me guettes sous un autre angle, bah tu diras que j'ai changé. Sous un croissant de lune, ton ennemi peut venir te manger. À cause des balles qui sifflent, quand l'imam part, j'entends rien. On voit jamais ses défauts devant un miroir sans teint. L'amitié s'achète pas, les autres ont fait les vendus. Des cris de torture dans une cave, c'est ça un malentendu. Tout le monde peut t'écarter ta voix, pour ça que je refuse d'être au fun. Paradoxal, je suis musulman mais j'attire là les cochons. Les plaquettes sont détaillées dans nos bâtiments trop sales. L'illicite viole la pauvreté dans l'ascenseur social. Des soucis à la hauteur, donc je pourrais me jeter dans le vide. Quand mes mecs en cavale se livrent, la justice reste l'auteur. Ma sœur a peur, j'ai très peu de poteaux. Les pompes pas trop d'eau. Et y'a de la violence dans mes propos. Papi, papi, bengami. Si la paix c'est un boomerang, j'espère qu'elle revienne vers me. You know? Dum, dum, gum, gum, gum, tan, fuck up. J'peux pas te faire la morale, regarde comment j'me comporte. Poésie de cité au ghetto récital. L'eau qui a coulé sous les ponts lavera sûrement pas l'argent sale, j'répète. Poésie de cité au ghetto récital. Si un fan me tue sur scène, j'partirai de manière musicale. FAB.